Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui gagne à être connu, puisque nous allons parler des troubles de stress post-traumatique. Voilà, j'y suis arrivée. Avec Aurélien Dossi. Bonjour Aurélien. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans les studios de Fadjet, donc pour parler de ces troubles qui sont diverses et variées, autour d'un livre que vous avez écrit et qui est sorti en septembre 2022 à Nombrest Éditions, « Ce qu'il reste de nous ». Alors Aurélien, moi j'ouvre ce livre au moment de préparer cette émission en pensant que c'est un roman. Vous racontez une histoire, je ne sais pas que vous allez raconter votre histoire. Et vous allez nous expliquer, mais c'est quoi un trouble de stress post-traumatique et puis surtout, comment faire connaître aux autres qui ne connaissent pas, quels sont ses effets, comment on se répare, comment on surmonte. Alors, pour faire connaître votre livre aux auditeurs, je vais vous poser 4 grandes questions autour de la thématique, autour de vous aussi, 2 coupures musicales de votre choix. Aurélien, êtes-vous prêt ? Tout à fait. Alors Aurélien, moi j'ai décidé de commencer cette interview en prenant une citation de votre livre. « Bien que la blessure psychique fasse partie de nous, elle ne nous résume pas. » Avez-vous été confronté, Aurélien, ou assimilé à votre blessure durant votre parcours de vie ? Alors avant de répondre à la question, je vais revenir juste sur une phrase que vous avez dite. Ouais. Je ne raconte pas mon histoire, je raconte l'histoire de l'ensemble de mes camarades. Dans ce bouquin, il y a un peu de moi, mais ouais, beaucoup de nous tous. D'accord, donc vous témoignez au nom de tous les autres aussi. Je témoigne au nom de tous les autres. Okay. J'explique certains aspects de la blessure dont moi je ne suis pas forcément concerné, okay, mais qui est important de rappeler. D'accord. Parce qu'il existe en réalité autant de stress post-traumatique que de blessés psychiques qui en souffrent. Donc okay, ça c'est important de le, c'est oui, important vous avez de vraiment le préciser, parce que les gens ont tendance à penser qu'un blessé psychique, et surtout quand il est militaire, c'est forcément un homme alcoolique, violent, alors que c'est pas forcément ça. Non. Donc c'est important de le préciser. Ok. Donc rappelez-moi la question. Alors la question était, avez-vous été assimilé à votre blessure durant votre parcours de vie ? Bien évidemment. À partir du moment où le diagnostic il est posé, notre personnalité et ce qu'on incarne aux yeux des autres, ouais, que ce soit dans le milieu professionnel, surtout dans le milieu professionnel d'ailleurs, okay, surtout à l'armée, et pour l'entourage, toute notre personnalité et l'image qu'on peut avoir se résument à ça au départ. D'accord. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous décompensez, donc à partir du moment en fait où le trauma ressurgit, il y a tout un processus de descente aux enfers, hein, on va appeler ça comme ça. Que vous ne maîtrisez pas. Oui, qu'on ne maîtrise pas, et c'est arrêté. En fait, le trauma ressurgit avec tous les souvenirs qui sont rattachés. Et c'est d'une extrême violence. Ouais. Donc la personne va véritablement changer du tout au tout, okay, je vais dire presque instantanément. Et donc bien souvent, une personne atteinte d'un trauma psychique est difficilement reconnaissable pour ses proches. C'est pas du tout la même personnalité, okay, au départ. Donc il faut faire un réel travail pour pouvoir sortir de ça. Et puis je vais pas dire redevenir celui qu'on était avant, parce que c'est pas possible, mais se reconstruire et devenir une autre personne. Du coup, et vous avez vu la différence ? Oui. Ouais. Oui. C'est plus le même Aurélien ? Non. Alors, on a tendance à dire que la blessure psychique, c'est une blessure invisible. Je suis absolument pas d'accord avec ouais, ça. Parce que quand on a lu ce genre d'ouvrage, je suis pas le seul à en avoir écrit, mais quand on a lu ce genre d'ouvrage et qu'on on sait interpréter les signes, c'est tout à fait visible. C'est même... Okay. On peut pas ne pas le voir, c'est pas possible. Ça pourrait être visible, mais incompréhensible. Peut-être. Quand on ne connaît pas, quand oui. Quand on ne sait pas, ouais. Ok. Alors justement, votre expérience traumatisante, j'ai envie de dire, j'espère que j'emploie les bons mots, s'est déroulée au Mali il y a un peu plus de 10 ans, ou ça fait 10 ans, vous me disiez, aux antennes. Ça fait 10 ans, en fait, je suis parti en janvier 2016, on est en janvier 2020. Voilà, donc c'est ça, ça fait 10 ans. Vous pointez avec force détail votre angoisse à cet instant T. Moi, je n'ai pas voulu, ici, dans la question... relater l'événement exact, parce que j'ai ouais, envie de laisser aussi les auditeurs découvrir votre livre. Et sa prolongation dans le temps. Alors, après 10 ans, est-ce que c'est, j'avais presque envie de dire, un tatouage de l'esprit ? C'est absolument un tatouage de l'esprit, et c'est marrant que vous posiez cette question-là. J'ai un camarade qui a sa page Instagram sous le pseudo Massacre Officiel. Donc ouais, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui suivent un peu la communauté Mili, ils savent très bien de qui je parle, qui est justement partagé aujourd'hui un témoignage pour parler de cette foutue guerre au Mali qui relatait en fait un souvenir plutôt positif. Hein. Il avait sécurisé un match de basket féminin au Mali, alors que bon, bah, tout autour c'était un peu le néant avec les groupes armés terroristes. Et le fait qu'il relate ça, moi je me dis, en fait, forcément que notre vie a changé, parce que quand on a vécu des choses comme ça et qu'on revient ici, on ne peut plus voir le monde autrement. Donc vous sentez plus dans la même, sur la même onde, je dirais ? Ah, plus du tout, non. Du tout. Non, absolument. Après, c'est normal, et j'en veux à personne, parce que les gens qui n'ont pas connu ça peuvent en avoir conscience. Mais c'est marrant, du coup, que vous parliez de ça, parce que bon, bah, voilà, mon camarade qui partage ça, et du coup, j'ai partagé aussi en story une photo de moi qui date de janvier 2016, quand j'étais là-bas, et j'ai marqué 10 ans déjà, et j'ai l'impression que c'était hier. Ah ouais. Donc, c'est tout le temps présent, c'est en nous. Tout le temps. Et vous l'aurez tout le temps ? Et je l'aurai tout le temps, bien sûr. Ok. Alors, on va faire une première pause musicale. Aurélien, une pause de votre choix, un morceau des Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, c'est ça ? C'est ça. Alors, pourquoi ce morceau ? Mais parce que ce morceau, il me met la pêche, tout simplement. Ok. Je l'écoute souvent le matin quand je pars à tomber d'informations ou quand je m'en ai donné mes cours. Ok, donc on l'écoute et on revient juste après pour la suite de l'émission. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie d'émission, toujours en présence d'Aurélien Dossi pour son livre « Ce qu'il reste de moi », sorti en septembre 2022 aux éditions Nombre 7. Aurélien, est-ce que ça va toujours ? Toujours, oui. Donc on peut poursuivre. Alors Aurélien, dans cet essai, vous nous partagez votre intimité psychologique, psychiatrique, votre parcours médical aussi. Et vous le faites, je trouve ça important de le préciser aux auditeurs, vous n'y mettez pas de filtre. Non. Et c'est très intéressant parce que quelquefois, on a l'impression d'être assis à côté de vous. On attend dans une salle d'attente et on attend de voir, vous attendez l'ergothérapeute, vous attendez l'entrée de l'atelier d'écriture. Oui. Et c'est super intéressant et c'est très bien parce que vous nous donnez du concret pour nous, les ignorants de ce trouble de stress, et je trouve ça bien. Est-ce que c'était une nécessité pour vous d'écrire ce livre, de partager votre souffrance ? Quelquefois, les souffrances sont intimes. Et puis, moi, je l'ai lu comme... mais vous, en fait, vous ne savez pas, vous avez des préjugés sur ces troubles de stress post-traumatique, mais regardez ce que nous, on vit. C'était important pour vous de mettre des mots là-dessus ? Oui, bien sûr que c'était important. Déjà, ouais. ma première mission, c'était de diaboliser la psychiatrie. Quand on parle de psychiatrie, d'hôpital psychiatrique... pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, on imagine tout de suite, et ça je le dis dans le livre, les camisoles et les chambres capitonnées. Alors que c'est pas du tout ça. Les blouses blanches, voilà. Pas ouais. du tout ça, et surtout dans un hôpital militaire comme l'hôpital de Le Gouest à Metz, que je salue au passage et qui fait un travail extraordinaire et qui sauve des vies tous les jours. Et hyper réputé en plus. Oui, et puis vraiment, faut le souligner, ils font un travail extraordinaire. Ouais. Mais oui, c'était important pour moi. Donc déjà, pour dédiaboliser cette image qu'on peut avoir de la psychiatrie, pour expliquer surtout, alors c'était à destination surtout de l'ensemble de mes camarades, qu'ils soient blessés ou non, et de la hiérarchie, de nos chefs, que c'est important de penser à sa santé mentale. On fait un métier qui est pas commun. Qui demande de l'engagement. On est exposé. Et puis j'appelle aussi l'ensemble de mes camarades, qu'ils soient pompiers, gendarmes, policiers, ou même dans les services hospitaliers. À partir du moment où on est confronté à la mort, il ne faut pas négliger sa santé mentale. Et ça devrait vraiment être normal d'aller consulter un psychologue au même titre que d'aller consulter un généraliste. Est-ce qu'aujourd'hui c'est tabou ça, dans bien vos sûr. Corps de métier ? C'est des choses qu'on ne dit pas et on met le truc un peu sous le tapis et... Tant que vous avez vos deux bras, vos deux jambes, ben vous pouvez y aller quelque part, c'est ça ? C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de camarades qui tardent à aller consulter et qui attendent le dernier moment. Et malheureusement, à force d'attendre, ben parfois il est trop tard. Il y a un sentiment de honte ? Bien sûr, il y a un sentiment de honte. Ouais. Je vais revenir sur une anecdote très récente et qui fait écho avec mon début de parcours. Ouais. Moi, quand j'ai décompensé, je me suis retrouvé tout seul, pointé du doigt, on m'a jugé, et nombre de mes camarades qui ont travaillé avec moi, qui m'ont très bien connu, qui savaient mon niveau d'exigence dans mon travail, j'étais très exigeant avec moi-même et avec mes subordonnés, j'adorais ce que je faisais, j'étais très très bien vu, très bien noté. Du jour au lendemain, on m'a claqué la porte parce qu'on m'avait diagnostiqué un stress post-traumatique. On vous a tourné le dos. Il y a 10 jours. Un camarade m'envoie un message sur Instagram. Ça fait donc depuis 2019 que je n'ai pas de nouvelles. Ah, quand même. Le camarade en question fait partie de ces gens-là. Ok. Qui m'ont pointé du doigt. C'est toujours un camarade ou un ex-camarade ? Qui se sont moqués de moi, qui m'ont insulté sur les réseaux. Je l'ai très très mal vécu. Je l'ai très mal vécu au point même de penser au suicide. Juste à cause de ça à l'époque, parce que j'étais tellement mal que j'avais besoin d'aide et on m'enfonçait encore plus. Et donc quand ils m'ont envoyé un message en se présentant, en disant « Est-ce que tu te souviens de moi ?» Bien sûr que je me souviens de toi. Donc ils me demandaient de l'aide, parce qu'il est actuellement dans le même état que ce que j'étais il y a 6 ans. Donc il me demandait de l'aide, il me demandait comment faire, comment constituer son dossier médical, etc. et comment gérer ça avec les chefs. J'ai d'abord commencé par lui rappeler. Je dis bien sûr que je me souviens de toi, parce que... Voilà, il a voulu m'expliquer pourquoi. Bon, maintenant les choses étant dites, bien sûr que je vais t'aider. Ouais. Parce qu'on a vécu la même mission. Vous étiez dans la même mission. On était ensemble. Ok. On était dans la même compagnie. Donc je peux pas ne pas l'aider, c'est pas possible. Donc vous ne lui en voulez pas. Et ce parcours-là, c'est aussi une résilience quelque part. Absolument. C'est ça. Absolument. Enfin, je pense que ça demande beaucoup de résilience pour affronter ça. Parce que quand vous le dites dans le bouquin, vous dites, mais il y en a qui finissent alcooliques, même si au début, vous me dites, bah, heureusement, tous les gens victimes de ces troubles ne sont pas alcooliques ou ne sont pas violents, mais il y a des gens qui n'ont pas de troubles et qui sont alcooliques et qui peuvent être violents. Enfin, les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Absolument. Mais aujourd'hui, mettre des mots sur ce que vous avez vécu et sur ce que vos camarades ont vécu, votre objectif, c'est quand même faire connaître un maximum de gens. Oui. Arrêtez de nous pointer du doigt, parce que, mais ce n'est pas parce qu'on a, on a signé, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'on a signé aussi pour ça. Un couvreur qui monte sur un toit, il sait qu'il peut tomber et se casser une jambe. Oui. Bah, pour autant, le jour où ça lui arrive, il a besoin de soutien, il a besoin de s'attraper. Voilà, c'est pareil pour vous. Et là, c'est la même chose. Mais je me demande si, et là je réfléchis tout haut, est-ce que l'aspect mental ou psychiatrique de l'humain n'est pas toujours un petit peu mis de côté? Parce que dans plein de boulots, on peut faire des burn-out. Alors bien sûr, c'est moins grave, mais il y a plein de bore-out, de burn-out, de dépression. Pas d'accord avec ça. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas hiérarchiser la souffrance. On n'a pas tous le même référentiel. J'ai mal formulé. Pas moins grave, mais c'est un autre type. C'est un autre type, c'est autre chose. Ouais, c'est complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire. Après, selon le cadre dans lequel on évolue, je pense que ça fait partie aussi du jeu de mettre, pas l'humain de côté, mais... de moins s'attarder dessus, parce que je prends encore une fois notre cas à nous en tant que militaire, et surtout moi qui étais combattant d'infanterie, à un moment donné, l'humain, on se concentre dessus peut-être après la mission, et on le fait de plus en plus aujourd'hui. À l'époque, ça se faisait moins, et c'est ça le problème. Mais à un moment donné, la mission, il faut quand même la faire. Ouais. Donc, je comprends aussi, c'est pas normal hein, que les chefs abandonnent certains de leurs subordonnés, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des missions à monter. Là, aujourd'hui, on parle de conflits à haute intensité. Voilà, il y a un spectre de Troisième Guerre mondiale qui plane. Je peux comprendre en fait les enjeux et qu'on ne peut pas non plus s'attarder sur des cas comme le mien trop longtemps et qu'il faut peut-être déléguer. Oui. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt sur une notion de performance? Moi, c'est ça qui me fait peur, sur la performance de ce que quelqu'un peut apporter ou faire. Et puis, quand la performance est moindre pour des raisons X ou Y... Ça tout l'enjeu. Il faudrait peut-être nuancer. Oui, voilà. Mais... quand la performance est moindre, peut-être qu'on peut le mettre à une autre place où il pourrait être tout aussi performant, mais différemment. Voilà. Et ne pas attendre qu'il atteigne des extrémités. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, aujourd'hui, pour nos auditeurs, qui est Aurélien Dossi et comment a-t-il évolué? De 2016, cet incident qui a été qui a changé peut-être le cours de votre vie. Moi, c'est ce que j'ai compris en lisant le livre. Aujourd'hui, c'est qui Aurélien? Qu'est-ce qui fait Aurélien aujourd'hui? Et est-ce que Aurélien va bien? Est-ce qu'Aurélien est épanoui? Voilà, c'est qui Aurélien aujourd'hui? Bah aujourd'hui, Aurélien, il s'est quand même bien retapé. Moi, je le vois, les auditeurs le voient pas. Parce que 2016, j'étais un foudre de guerre à l'époque, en pleine possession de mes moyens, j'étais 10 ans plus jeune forcément. Vient la décompensation en 2019, la descente aux enfers, plus 30 kilos, un peu d'alcoolisme quand même, puis les traitements, la dépression et tous les symptômes qui vont avec, les envies de suicide, etc., etc. Et puis, à un moment donné, on se regarde dans la glace et quand on se reconnaît plus, il y a un choix à faire. C'est soit on stoppe tout et forcément vient le suicide, soit on se dit maintenant il faut avancer, il faut se reprendre en main. Donc un matin, vous vous levez, vous êtes au plus bas. Ouais. Et là, vous vous dites. Je suis effondré devant ma glace parce que je reconnaissais pas le mec qui était. Vous reconnaissez pas Aurélien. Absolument pas. J'étais vraiment totalement différent. Si je vous montre une photo, vous me dites non, c'est pas possible. Mais si, c'était bien moi. Oui. Vous dites là, j'ai que deux choix en fait. C'est soit je laisse tomber, soit je me prends en main et il faut que je remonte la pente quoi. Donc arrêt progressif des traitements, remise au sport. Le sport m'a beaucoup aidé. J'ai continué d'écrire. Et puis surtout le sport. Et j'ai eu la chance, grâce au Centre National des Sports de la Défense, de pouvoir par la suite participer aux Invictus Games. Ouais. Donc, c'est quoi, tiens, les Invictus Games? Les Invictus Games, c'est une compétition internationale qui a été créée par le prince Harry, qui a servi en Irak, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et qui a lui aussi son lot de mauvais souvenirs, et qui, en rentrant, s'est dit « c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos blessés ». Donc il a créé, en fait, d'abord une fondation, puis les Jeux. Depuis 2014, ça existe, et j'ai pu participer l'année dernière aux Invictus Games à Vancouver. Ok. Donc j'ai représenté la France en rugby fauteuil, basket fauteuil, natation et biathlon. Ok. Donc on est allé décrocher la médaille d'or en rugby fauteuil, qui est une première historique pour l'équipe de rugby. Ok. Et ça a été un réel tremplin. Donc j'avais repris déjà le judo aussi depuis deux saisons. Ok. À savoir que j'en fais depuis l'âge de 5 ans. Et c'est véritablement à partir du moment où j'ai repris le judo, il y a eu vraiment une ascension, parce que je suis sorti aussi de ce monde des blessés. Alors le monde des blessés, il est bienveillant, mais il faut savoir en sortir, parce que sinon on n'avance pas. Donc je me suis ouvert à un autre monde, une autre sphère, j'ai rencontré d'autres personnes, je me suis constitué une autre vie sociale que ce monde des blessés. Qui peut-être aime et est dans le confort de la notion de blessé. Quelquefois, les gens restent entre eux parce qu'ils sont blessés. Ouais. Et donc, faut effectivement, je vous suis, il faut quelquefois savoir en sortir, pour, même si c'est dur, ça peut être compliqué, il faut savoir en sortir. C'est ça, absolument. Ok. Et donc, le fait d'avoir cet objectif des Invictus Games et tout ça, ça vous a donné un coup de punch, du coup? En fait, ça m'a permis de me projeter, parce que quand on est chez soi à tourner en rond et qu'on n'a pas de projet d'avenir, c'est difficile, en fait, d'avancer. Ouais. On ne sait pas pourquoi on se lève le matin. Ouais. À partir du moment où vous avez un objectif à... ce qui était pour moi du long terme, parce que c'était 18 mois plus tard à partir de la sélection. Donc je me suis dit, ok, là je suis parti sur 18 mois où ma priorité c'est ces jeux, c'est ma préparation. Donc je m'étais fait mon plan de préparation et toutes les semaines j'allais m'entraîner. Il y avait un objectif. Il y avait un réel objectif. Et donc après je continuais le judo et je savais que grâce aux Invictus Games et la préparation que je m'imposais, j'allais pouvoir aussi remonter plus sereinement sur les tapis, reprendre la compétition et pourquoi pas performer. Et donc là j'ai repris la compétition, je continue de tourner maintenant en vétéran, parce que j'approche la quarantaine et les petits jeunes de 20 ans me font un peu mal, mais voilà, j'ai repris la compétition, j'ai réussi à faire un podium au Grand Est, et j'espère faire un podium aux Europes cette année. Et vos proches dans tout ça, parce que on parle de votre blessure, alors vous et vos camarades, mais les proches dans tout ça, comment ils le vivent, vos parents, frères et sœurs, si vous avez des frères et sœurs, compagnons, compagnes? Comment ils le vivent? Parce que ça doit exploser. Quand tout à l'heure, vous parliez de décompensation, mais ça décompense pour vous, mais pour tous les gens autour qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'était compliqué, surtout pour mon épouse, qui était en première ligne face à tout ça. Mes parents n'étaient déjà plus là à ce moment-là. C'est surtout elle, en fait, qui en a pris plein la tête. Et qui, du coup, s'est reporté sur le reste de la vie familiale. Donc, on a continué quand même de construire une vie familiale, à savoir qu'on a, on a eu deux autres enfants par la suite. Et elle s'est totalement investie dans son rôle de maman. Ok. Elle a pris le relais, en fait. Peut-être quand vous ne pouviez pas le faire pour votre vie familiale. Oui, et puis en fait, je pense que... comme elle se sentait totalement impuissante vis-à-vis de moi, elle ne pouvait pas remplir vraiment le rôle qu'elle aurait voulu remplir en tant qu'épouse. Ouais. Donc elle s'est jetée corps et âme dans son rôle de maman. Et ça lui a permis de tenir un cap, je pense. Ouais. Et puis le fait qu'elle ait ses parents aussi pour la soutenir, ça l'a aidée. Ça a généré des conflits, surtout avec son papa, qui était un peu dans l'incompréhension. Aujourd'hui, je n'en veux pas plus que ça. Parce que, encore une fois, quand on ne comprend pas, c'est... Parce que ça a des retentissements dingues. Ouais. Et puis, je pense que mes beaux-parents étaient surtout très, très, très inquiets. Ouais. Le choix des mots n'est pas toujours les bons. Et... Surtout quand il y a de l'émotion et c'est ça. C'est compliqué. Donc, Y a de l'émotion, de la crainte, de l'angoisse. Mais aujourd'hui, Aurélien va bien. Aurélien parfois passe des nuits difficiles, ça dépend des dates anniversaires, ça dépend des journées, ça dépend de... Il y a plein de paramètres à prendre en compte, en fait, hein, qui, qui ont un lien direct en fait, avec les symptômes liés au stress post-traumatique. Mais globalement, ça va, parce qu'encore une fois, j'ai un objectif avec ce BPJ, parce que je suis en train de préparer pour devenir prof de judo. C'est important. Donc, avoir des objectifs, c'est important. Ouais, il faut avoir des objectifs. Voilà. Et si jamais j'ai des camarades blessés qui m'écoutent et qui sont un petit peu dans la galère en ce moment, les gars, moi ce que je vous dis, c'est que fixez-vous des objectifs à court terme, même à très très court terme. Hein. Sortir la poubelle, c'est un objectif. Même des fois des choses toutes simples. Toutes simples. Il faut avancer pas à pas. Oui, en fait, et je le redis tout le temps, et ça devient vraiment ma devise, c'est faut rester en mouvement, tout simplement. Donc, aller chercher sa baguette de pain, sortir sa poubelle, faire sa vaisselle. C'est le début. Ça commence par ça. Il y a un général américain qui disait, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. C'est tellement vrai. Voilà. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours de votre choix, Aurélien, avec l'harmonie de Pomaré, Dans les yeux d'Émilie. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'était notre hymne d'équipe lorsque nous sommes partis aux Invictus Games à Vancouver. D'accord. Donc, et on revient juste après, pardon, pour votre actualité. De retour pour cette dernière partie d'émission, toujours avec Aurélien Dossi. Alors Aurélien, quelle est votre actualité en ce début 2026 ? Mon actualité, bah d'abord sportive, c'est que je me prépare doucement mais sûrement pour le championnat d'Europe vétéran qui aura lieu fin juin. Ok. Donc bon, il y a diverses échéances qui arriveront avant ça. Championnat de judo ? Championnat de judo, okay. Oui. Et puis bon, mon actualité littéraire, je viens de boucler un roman policier sur lequel je travaillais depuis 5 ans. Parce que bon, à partir du moment où on est dans la romance, on n'est jamais trop content de ce qu'on écrit. Et on réécrit encore et encore et encore et on rajoute. Et vous changez complètement de registre du coup ? Ouais, mais ça faisait longtemps que j'avais envie justement de créer tout simplement. Parce que bon, sortir un petit peu aussi de ça, parce que j'ai quand même écrit 2 bouquins du coup sur le stress post-traumatique et il faut sortir un petit peu de ce qu'on sait faire. Et puis je voulais prendre ce risque et puis m'amuser. C'est important. Tout simplement, enfin, voilà, prendre du plaisir et créer des personnages. Alors, j'ai pris un risque et en même temps, je me suis basé sur des personnalités qui ont réellement existé. J'ai repris des noms, mais j'ai modifié pas mal de choses. Alors, c'est plus sous forme de clin d'œil. Il y a des noms qui, en lisant, vont peut-être... alors, il faut aller chercher un petit peu, il faut avoir un petit peu de culture, mais il y a peut-être des noms voilà, dans l'histoire qui t'apprend un peu dans l'œil de certains lecteurs. Mais c'est vraiment un petit peu des easter eggs, hein, comme on peut dire dans le monde du jeu vidéo. C'est vraiment caché. Okay. Il faut aller chercher un petit peu, mais je me suis amusé en fait avec ça. Mais en même temps, ça rend l'écriture vachement compliquée parce qu'il faut arriver à rester cohérent tout le long. Et comme j'ai fait des grosses pauses dans mon écriture, à chaque fois, j'étais obligé de reprendre la lecture depuis le début pour savoir où j'en étais et savoir si... Comme les plus grands qui reprennent tout le temps, inlassablement, parce qu'ils ne sont pas contents ou qu'il y a plein d'incohérences. Alors du coup, il faut tout reprendre ou enlever des paragraphes pour les mettre ailleurs. Et puis de toute façon, à un moment donné, il faut se dire ouais, « c'est bon, on arrête là » parce que je pense que sinon, le bouquin, on ne le sort jamais. Comme vous l'avez dit, vous êtes très exigeant avec vous-même. Ouais. Donc, je pense que sinon, vous ne le sortirez jamais. Effectivement, il faut savoir mettre un point final c'est à ça. Un moment. Et voilà. Moi, j'ai fait votre connaissance virtuelle au départ dans un reportage sur France 3 Lorraine il y a déjà quelques mois, dans le cadre d'une manifestation justement sur des militaires, c'est ça ? Oui. Je dis pas de bêtises. Est-ce que vous allez avoir à participer aussi à ce type de manifestation là dans les 6 prochains mois, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc en fait, on est un collectif de militaires qui a créé une association Soldats Artistes. Et on est tous blessés, reconnus blessés de guerre, et on s'est tous reconstruits grâce à l'art, et de manière large. Hein. Donc il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des chanteurs, il y a des compositeurs, on a un réalisateur, on a vraiment de tout. Et oui, on a des manifestations qui sont prévues. Donc là, le reportage en question, c'était sur une exposition qu'on a fait à la Villa Picard à Épernay, sur tout un week-end. Et il y aura les 2 ans de l'association qui auront lieu à Lyon en avril. Et on a d'autres événements prévus un peu partout en France, parce qu'on essaye d'être présent un petit peu partout. Alors pas forcément... En comité complet, c'est des petites délégations qu'on envoie un peu à droite à gauche, mais on va essayer quand même de créer au moins un événement majeur dans le Grand Est. Ok. Donc potentiellement Châlons en Champagne, si ça se fait, ce sera durant la foire de Châlons qui aura lieu fin août à début septembre. D'accord. Donc là, ça pourrait être vraiment très très sympa, il y aura du monde et on pourra vraiment toucher pas mal de gens sur les problématiques des militaires blessés en opération, et Strasbourg. Potentiellement. Okay. Donc grand test pur et dur. Ouais. Si jamais les auditeurs ont envie de vous poser des questions ou vous demander des références suite à cette interview, est-ce qu'ils peuvent vous contacter sur les réseaux ? Tout à fait. Je suis disponible sur Facebook et Instagram. Et à quel nom ? Parce que des fois, il y a des noms un peu... D'accord, tout simplement. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup, Aurélien. Je vous en prie. D'être venu nous parler de tout ça. C'était hyper instructif et... C'est bien de se montrer compatissant, voilà, quand on ne sait pas comment ça se passe. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans Caprices de lecture. Au revoir.